mon site, ZRF tu connais. Deux refrains qui sont déterminés. On a fait notre argent cette année. Aujourd'hui Hamtona on tape le succès. On sent pas les couilles, toi-même tu sais. À client court on est toujours. Bref, on va pas te raconter notre vie, tu la connais. Sur net, les petits PD qui braillent, je vais les baiser. Le Front National, je vais les baiser. La Hnoucha, je vais les baiser. Les Poucaf, je vais les baiser. Les putes, je vais les baiser. Morsai, Morsai, CCCRF, déterminé. Dans les veines, by fan, c'est dans mes gènes. Des palettes à Bombay, moi j'ai la rime lacrymogène. Comme le frère Morsaille, baiser les skins, j'crois bien que c'est dans nos gènes. Bonne me suceur pour me faire connaître, j'ai pas attendu sur Dailymotion. Passé la trentaine, j'suis plus tout jeune. Quelques cheveux gris, c'est que c'est la haine et les soucis. Rien à foutre de votre rap game, j'suis né pour baiser la vie depuis tout petit. Faut toujours bicrave, la mif, on l'a tous bien compris. Y'aura jamais assez de bif, même quand on aura blindé tout nos comptes en sus. Que l'élevé si puritaine me suce. On est vite. Pas d'impôt, mais tu sais, c'est l'enfer. On veut du bif et une belle meuf pour nos petites affaires. C'est Hemp No Side, mon pas et boule vénère. S-T-E-N, j'ai trop la haine. Contre ces skins de merde, même le week-end. Vas-y, pengen. Pour les fascistes à la chaîne, car il faut que tu comprennes qu'on respecte que les vrais. Écoute ce son de chacal qui va te plaisir à la chatte. C'est comme dans casino, mec, à ta passage à la patte. Des fourrailleries lyricales, ça te plaît pas, rien à battre. Traîne pas dans nos pattes, batte à roucage, on va t'abattre. Brigante et narrateur, tendance paranoïaque. Bandito illicite, comme la coca et l'ammoniaque. On veut fumer des cigares et boire de l'armagnac. On a la niaque, salope. Le rap, c'est un armagnac. La scar des sous-sols, c'est la crème des ténèbres. Pour les racistes, salope. C'est un pétage de vertèbres. On dit la vérité, quitte à passer pour des ouf. On baise le FN, on tire par la touffe de sa fouf. Pour l'état, ce morceau est un phallus. Les skins et les putains vont s'en prendre plein l'anus. Mohazaf, Morsai, Stency, le bull taré. Attaque du ghetto, pitbull rock et bull terrier. On est des terres, sur terre-terre. Je n'ai pas d'impôt, même tu sais, c'est l'enfer. On veut du bif et une belle meuf pour nos petites affaires. C'est Hemp No Side, mon pas et boule vénère. S-T-E-N, j'ai trop la haine. Contre ces skins de merde, même le week-end. Vas-y, pengen. Pour les fascistes à la chaîne, car il faut que tu comprennes qu'on respecte que les vrais. Je représente truand de la galère. L'équipe la plus déterre, bébé, tous les fachos en sevrant. C'est pour mes Kaira, de Bruyère jusqu'à Sevran. On est souvent en mauvais état. Trouve ça normal, si on garde à mon bas et guetta. On veut notre part du gâteau, car notre jeunesse n'a pas été toujours gâtée. J'suis venu gratter gros bâtard, jusqu'à toucher le gros lot. 9-9-5, banlieue nord sur tous les réseaux. C'est pour mes Algériens qu'investissent vraiment tout au plaid. Baisse le RG, accompagné de leur puturette. Maman Morsai, faut qu'on les baisse tous ces skins ray. Du 9-5 jusqu'au 12-12, du 9-3 jusqu'au 72. On est des